Ma solidarité passe par ma solitude. Solitaire de mes écrits, j'écris en toute plénitude. J'aspire à l'unité, donc j'écris des textes. Je déteste les lois, les règles qui nous mettent hors contexte. Dès lors que l'on est noir, plus d'efforts à faire. Et là, cela se ressent dessus dans nos affaires. On croit savoir où aller, sans savoir d'où on vient. Bouffé par la routine d'un quotidien européen. Se battre pour réussir, faire la fierté de nos pères. Partis en guerre pour la paix, sacrifiant leur peau. Dans tous les sens du terme, la paix est un plat qui se mange froid. Vu que le porc est un plat que je ne mange pas. Et si je rappe bien, c'est pas pour me plaindre, mais pour raconter la merde dans laquelle on a le cul plein. Le premier ennemi de l'homme reste l'homme et sa langue. Car l'homme se différencie d'un salam à un shalom. Mais qui est l'homme? Celui qui construit, celui qui divise. Dépouillé en impunité, telle est la devise. Ma réalité choque, ma vision des choses noire et fière. Je confirme que mon combat est une cause. Pour mourir, par contre, pour faire ma vie en tôle. MC, tu viens tapant, celui ou celle qui sait attendre. J'enlève les épines pour prendre le cœur de la rose. Le rap est une poésie, mais je vois pas la vie en rose. La merde, ça pue, on nage dedans un par un. Les soucis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. On croit tout connaître, qu'on faut pas être et paraître. Y'a copé du mur de la lettre, qu'on voit mon mal-être. J'ai commencé le rap sans me dire que c'est la solution. Le choix des armes reste à la hauteur de mes ambitions. Mon place à la base n'est pas un place de rappeur. En toute logique, je fais du rap, en toute logique, je fais peur. Je m'appelle Dawa, j'ai le vécu qui va avec. Abdelkarim pour la mec, Trixé pour la famille. Mon flow, mon aspi, moi, je l'ai pas volé. Toujours des terres comme un Renoir. Sur une bécane volée, j'avance avec une roue volée. Et ben voyons, qu'est-ce que tu croyais que j'allais rester la raie, à me laisser le noyer, hein. Je suis trop lunatique, mélange de bien de mal. J'ai le cœur sur la main, même si je regarde mal. La profondeur de mes textes nourrit de mon mal-être aussi. Mon cœur souffre comme une lettre, mais se referme sans souci. Fonce des wagins, c'est sûr, le mal-être est en moi. Néanmoins, je sais que je me fais du mal pour mieux parler de moi. Je bluffe pas la feuille, j'ai rien à dire, je ferme ma gueule. Roule à trois feuilles, qu'on rigole de nos galères, ma gueule. Bluffe pas la feuille, t'as rien à dire, ferme ta gueule. Roule à trois feuilles, qu'on rigole de nos galères, ma gueule. Rappons bien de couplets, pas de refrain. MS à la prod. Dawa au mic.